Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue ou tranquille, dans la ville, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, Louis Pasteur, une série d'Olivier Chomel réalisée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, il y a le grand homme sage et protecteur près du petit Joseph Meister, auquel il inocule un peu du virus de la rage. Pasteur est un héros scientifique, alors on a envie de gratter un peu pour voir où se cachent l'orgueil, le patriotisme et le génie. Alors pour commencer, les personnages. Un bon vivant, un homme austère, deux scientifiques à la manœuvre, un grand homme, un scientifique mort en héros et Madame Pasteur. Ensuite, le décor. La peste de Sibérie, la concurrence, la jalousie, des moutons malades, des grands congrès, la tuberculose, le choléra, la bonne cause et des honneurs. Aujourd'hui, troisième épisode, autant écrire sa légende soi-même. Étranger aux connaissances médicales et vétérinaires, j'ai hésité jusqu'à présent par la crainte de mon insuffisance. Il me fallait en outre un collaborateur courageux et dévoué que j'ai trouvé heureusement dans un des anciens élèves de l'école normale, M. Joubert, professeur distingué du collège Rollin. Une des maladies les plus meurtrières du bétail est l'affection qu'on désigne vulgairement sous le nom de charbon. La plupart de nos départements ont à en souffrir. Il en est où les pertes se comptent annuellement par millions. Tous les pays connaissent ce fléau. Il est parfois si désastreux en Russie qu'on l'y nomme la peste de Sibérie. D'où vient ce mal? Comment se propage-t-il? La connaissance exacte de son étiologie ne pourrait-elle conduire à des mesures prophylactiques, faciles à appliquer et propres à éteindre rapidement la redoutable maladie? Telles sont les questions que je me suis proposé de résoudre et pour lesquels je me suis adjoint deux jeunes observateurs pleins de zèle qu'enflamment comme moi les grandes questions que soulève l'étude des maladies contagieuses. Messieurs Chamberlain et Roux. Louis Pasteur, communication à l'Académie des sciences, séance du 12 juillet 1880. Règlement de compte dans la bande à Basile, Robert Koch contre Louis Pasteur. Olivier Chomel, Rafik Zénine. Dans les années 1870, alors que Louis Pasteur s'occupe essentiellement de fermentation alcoolique, butyrique, acétique, lactique, il avance des résultats spectaculaires qu'un jeune médecin exerçant en Prusse a obtenus dans le domaine des maladies infectieuses. Et ça l'irrite prodigieusement. Il doit être un peu jaloux de nature, notre Pasteur. En tout cas, il supporte mal la contrariété. Le médecin allemand s'appelle Robert Koch. Koch et Pasteur sont objectivement deux monstres de la microbiologie. De nos jours, bizarrement, on ne leur accorde toujours pas la même importance de part et d'autre de la frontière. Pour dresser un portrait simple de la situation, on peut dire que Louis Pasteur est connu en Allemagne pour la pasteurisation et le vaccin contre la rage, qui n'est d'ailleurs pas strictement un vaccin, et qu'on ne connaît Robert Koch en France que pour ses travaux sur la tuberculose et la découverte qu'il fit de ce que nous appelons le bacille de Koch. C'est bien vite résumé au vu de toutes les recherches que ces deux savants ont pu mener par ailleurs. À l'époque où ils s'affrontent, tout rapproche les deux hommes, à commencer par leur détermination à identifier les microbes responsables de telle ou telle maladie et à trouver les moyens de les combattre. Tout les oppose aussi, un Français et un Allemand, un chimiste et un médecin, un savant diminué par son hémiplégie et un fringant trentenaire, un homme réputé strict et un bon vivant qui ne renacle pas à finir sa journée à la Bierstube du coin, un mari modèle et son concurrent, qui se remariera à 50 ans avec une jeune beauté d'à peine 20. À l'époque, L'idée qu'un microbe, cette espèce de truc microscopique, puisse causer la mort d'un mouton, d'une vache ou d'un homme, ça paraissait totalement invraisemblable aux gens en général. Maxime Schwartz, ancien directeur général de l'Institut Pasteur. Alors en fait, Pasteur est resté, continuer à travailler sur les fermentations pendant quelques années. En 71, il a rejoint le laboratoire de son collaborateur Émile Duclos, qui était à Clermont-Ferrand, parce que c'était le moment de la commune, etc. Et c'est là qu'il a travaillé sur la fermentation de la bière, la fabrication de la bière. Et il a souhaité que la France ne dépende pas du tout des Allemands pour la fabrication de la bière et qu'il puisse faire une bière qu'on appellerait la bière de la revanche nationale. C'était comme ça qu'il fallait l'appeler. Donc, il travaillait sur les fermentations et il a continué à travailler sur les fermentations jusqu'en, disons, 1876. Alors, en 1876, va se passer un événement important qui concerne plus immédiatement Pasteur, mais un Allemand qui s'appelle Robert Koch. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, il s'agit maintenant d'une maladie du bétail qui s'appelle le charbon, qui dévastait les troupeaux. Dans certaines régions, vous aviez jusqu'à 10 à 20% des troupeaux qui mouraient de cette maladie, qui se déclaraient très brutalement. En 48 heures, bon, les animaux commençaient à avoir des gros problèmes, et puis ils mouraient, ils laissaient échapper du sang par tous les orifices. C'était assez épouvantable. C'est dans les années 1850 que des observations ont été faites, aussi bien en France qu'en Allemagne, que dans le sang des animaux qui mouraient du charbon, on voyait des espèces de petits bâtonnets. En fait, c'était des bactéries. Mais les gens ne considéraient pas qu'il s'agissait de la cause de la maladie. Ils pensaient que c'était plutôt une conséquence. Annick Perrot, j'aimerais qu'on parle du rapport très particulier que Louis Pasteur a au monde germanique. Pasteur, dans sa jeunesse, est très germanophile. D'ailleurs, tout début de sa carrière, il est professeur de chimie, il a 30 ans, il parcourt le pays germanique, les pays germaniques à l'époque d'ailleurs, à la recherche de l'acide racémique, qui est une forme particulière de l'acide tartrique, dont l'étude va lui apporter d'ailleurs une grande renommée dans le monde des chimistes. Et le fournisseur initial donc de cet acide n'en avait plus, n'arrive plus à le fabriquer, donc on lui a dit qu'il y en avait en Allemagne. Et il rencontre des industriels, des Allemands, et il est complètement conquis par ce peuple. Il est surpris et flatté aussi de voir combien ses recherches sont déjà connues en Allemagne. Et il est reçu très cordialement, de la manière la plus distinguée, comme il dit. Et il envisage même d'apprendre l'allemand. Donc cette passion pour l'Allemagne va être malheureusement un peu balayée par la guerre de 1870. Robert Koch, en fait, bon, lui, il avait 20 ans de moins que Pasteur. Il était né dans l'Oberharz, donc des montagnes vers le nord de l'Allemagne, dans une petite ville qui s'appelle Clausthal. Il était né en 1843. Son père était un peu l'administrateur des mines Clausthal. C'est un endroit où il y avait beaucoup de mines de différents métaux. Et donc, son père avait un rôle important dans cette ville de Clausthal. Il était un peu l'ingénieur en chef s'occupant des mines. D'ailleurs, à propos de son père, il faut dire qu'il était lui-même très francophile, qu'il avait été appelé par les Français pour aider comme ingénieur des mines et qu'il était resté pendant 2 ans en France et que son premier fils était né en France. A priori, Koch était d'une famille qui était plutôt proche de la France, alors que de son côté, Pasteur, lui, était germanophile. Donc a priori, les choses auraient pu bien se passer entre les deux. On est devant la maison de Robert Koch à Clausthal, Wolfgang Münkemeyer. Une maison en bois, comme la plupart des maisons d'ici. Si vous pouvez nous lire les inscriptions qui sont sous ce buste en bronze. Ça représente Koch quand il a quel âge? Je pense 50 à 60 ans environ. Le citoyen d'honneur de la ville minière de Clausthal-Zellerfeld, Robert Koch, né le 11 décembre 1843 et mort le 27 mai 1910, prix Nobel de médecine 1905, a passé sa jeunesse dans cette maison. Elle est grande, cette maison. Oui, c'était une grande famille qui vivait là. Il avait 12 frères et sœurs. Robert Koch n'était pas vraiment un bon élève. Dans l'école où il était, on enseignait toutes les langues. Robert Koch a donc appris, outre le français et l'anglais, le latin et l'hébreu. Il a oublié certaines de ces langues. Par la suite, on s'apercevra qu'il ne parlait pas très bien français. Er sprach Englisch, glaube ich, ganz gut, aber Französisch, das war nicht so sehr profond. Il parlait, je pense, très bien anglais, mais moins bien français. Robert Koch hat dann sein Studium in Göttingen begonnen. Robert Koch a ensuite commencé ses études à Göttingen et ensuite, pour devenir professeur, il a fait des études de chimie. Nach einem Jahr hat er dann et au bout d'un an, il a décidé de faire des études de médecine. Er hat beide Il a réussi dans les deux disciplines et il a décidé de faire un doctorat en médecine. On peut parler de cette famille très nombreuse, Wolfgang Münkemeyer. Vous nous avez dit que Koch avait 12 frères et sœurs. Si je me souviens bien, il y en a deux qui sont morts tout petits. Et parmi les 10 restants, il y en aurait 8 qui seraient partis aux Amériques, au Mexique et aux États-Unis. Pour quelle raison et pourquoi lui, Robert, est resté en Allemagne à Clausthal? À cette époque, beaucoup de gens émigraient vers l'Australie ou les États-Unis. Pour des raisons économiques? Oui, l'exploitation minière ne se portait pas si bien que ça. Und es gab Perioden, wo kaum etwas gefördert wurde oder die Et il y avait des moments où on n'extrayait pas grand-chose et où les cours de l'argent dégringolaient. Et dans ces conditions, pourquoi est-ce que Robert Koch lui-même n'est pas parti? Robert Koch voulait aussi émigrer, mais pas comme mineur. Il voulait devenir médecin, médecin militaire d'abord à l'étranger, ou à la rigueur, médecin du bord sur un navire. Donc Koch, lui, n'a pas émigré, et c'est en partie parce qu'il était amoureux de sa cousine Amy Fratz, et qui donc, il préférait rester sur place, pouvoir se marier. Il me semble aussi que Robert Koch, aussi, se serait rêvé explorateur plutôt que médecin. Il était fasciné par les bateaux du port d'Hambourg. Oui, Koch, d'ailleurs comme ça a été le cas aussi pour certains des disciples de Pasteur, rêvait d'aller très loin. C'était l'époque des grandes explorations. Bon, en France, c'était les débuts de l'Empire colonial, donc des gens comme Calmette et Hyrcin, qui ont été très proches de Pasteur, ont rêvé d'être explorateurs. Donc Koch, ça a été la même chose, mais il avait un problème, c'est qu'il était myope. Et que bon, pour être bon, partir dans la marine, faire des explorations, etc., c'était pas vraiment possible. Il a eu des difficultés à s'établir professionnellement. Il a eu d'abord un emploi à l'hôpital de Hambourg, où il a fait connaissance avec le vibrion du choléra, mais sans qu'il en comprenne tout. Parce qu'il y a eu à Hambourg une épidémie de choléra. Dans les jeunes années de Robert Koch. Et il commence déjà à comprendre certaines choses sur le choléra parce qu'il s'aperçoit que certains quartiers d'Hambourg sont touchés gravement et d'autres complètement épargnés. Et il fait un lien avec la qualité de l'eau. Das ist richtig, die Kanalisation in Hamburg war nicht ausgebaut. C'est juste. Les canalisations n'étaient pas bien faites à Hambourg et les eaux usées allaient directement à l'Elbe. Et à marée haute, l'eau remontait dedans, dans la ville. Et les habitants consommaient cette eau polluée. Dans beaucoup de quartiers de la ville, c'est comme ça que le choléra s'est répandu. Lorsque Robert Koch a visité ces quartiers, il a dit « Je ne peux pas croire que ce soit possible en Europe ». Also was ihn zum Träumen gebracht hat, ist meines Wissens unbekannt. Und vielleicht waren es die Schiffe in Hamburg. Est-ce qu'il avait comme rêve? J'en sais rien. Peut-être que les bateaux du port le faisaient rêver. Mais en tout cas, il avait un oncle qui vivait à Hambourg. Mais il avait ce rêve de devenir un explorateur naturaliste. Christophe Gradmann, biographe de Robert Koch. Et il a toujours occasionnellement pensé à ça, ainsi qu'à émigrer. Et il voulait, et ça n'est pas très courant chez des étudiants de sa génération et qui ne sont pas issus de familles riches, il voulait devenir chercheur en sciences naturelles. Et ça s'est transformé en une vocation pour la médecine, parce qu'on pouvait vivre de la médecine, alors que des sciences naturelles, ça aurait été plus compliqué. Finalement, la biologie, il s'y initie un peu tout seul. Dieses Interesse finden wir noch nicht im Studenten. Pas lorsqu'il est étudiant. Koch, étudiant, était surtout fort dans le domaine de la physiologie. Et c'est vers 1871 qu'il s'est mis à la biologie, c'est-à-dire juste après la guerre franco-prussienne, dans laquelle il a servi comme médecin militaire. Es war ja formal so, dass Frankreich den Krieg erklärt hatte. C'était la France qui avait déclaré la guerre, et ça a bien sûr provoqué un emballement nationaliste en Allemagne. Wolfgang Münkemeyer. Après la guerre, il a trouvé à s'installer comme médecin du district à Wolstein, près de Posen, aujourd'hui Poznań en Pologne. Il y était très occupé, c'était un médecin très apprécié. Mais il y avait un problème qui le préoccupait. C'était la maladie du charbon qui touchait le bétail. Il s'interrogeait sur le fait que cette maladie ressurgissait périodiquement, particulièrement dans certaines pâtures. Et il a décidé d'en découvrir les causes. Il est médecin fonctionnaire, mais ça ne lui suffit pas. Il faut en plus qu'il ait une clientèle pour subvenir à ses besoins. Donc il fait les deux à la fois. C'est énormément de travail. Mais en dépit de ce travail, il trouve le moyen de s'occuper de sa famille, la petite Gertrude, et puis il commence à s'intéresser beaucoup à des choses de la nature. Il commence à devenir un peu un microbiologiste, il s'intéresse aux microbes, il utilise un microscope que sa femme a pu lui offrir, un microscope relativement simple. Et c'est pendant qu'il était à Wolstein qu'il a commencé à s'intéresser au charbon. Er fängt einfach an, daran zu arbeiten. Und man weiß, dass ab 1873 intensiv anfängt, sich mit dem... Il se met à travailler là-dessus. On sait qu'à partir de 1873, il commence à chercher essentiellement sur le charbon des moutons, l'anthrax. Il se consacre intégralement à cette maladie. Il y a une raison pratique à ça. Koch était médecin de district dans une région très agricole, où la maladie du charbon était extrêmement répandue chez les bêtes, mais aussi chez l'homme. Il voulait avant tout découvrir l'origine du charbon. Koch se fixe ce but et met en place une approche microbiologique du problème. Et il va essayer de démontrer que c'est une bactérie spécifique qui est responsable du charbon. Il a d'ailleurs commencé à travailler plus seulement avec des moutons, mais il a commencé à travailler avec des souris, ce qui est quand même important parce que on sait qu'aujourd'hui les souris c'est devenu l'animal de laboratoire préféré, mais c'est un peu à son époque et probablement en partie à cause de lui que les souris ont commencé à être utilisées comme animal laboratoire. Mais il élevait des tas d'autres animaux, sa famille, sa petite fille s'occupait de tous les animaux qu'il avait parce qu'il n'y a pas que des souris, il y avait des lapins, il y avait des cochons d'Inde, il y avait des tas d'animaux. Et puis, il arrivait donc à transmettre le charbon à des animaux. Il l'a transmis à des lapins. Et puis un jour, il s'est rendu compte, il faisait des inoculations, ce qui paraît pas très agréable dans l'œil des lapins. Et il a constaté que les microbes se développaient très bien dans la matière vitreuse de l'œil. Donc, il s'est adressé à l'abattoir voisin pour avoir des yeux, non pas de lapin, mais de bœuf ou d'autres animaux. Et il a constaté que s'il prenait un petit peu, il travaillait sur des gouttes essentiellement parce qu'il fallait qu'il puisse examiner ce qui se passe au microscope. Il a constaté que s'il prenait un tout petit peu de sang d'un animal ayant le charbon et qu'il inoculait ça dans la goutte d'humeur vitreuse, eh bien la bactérie se développait. Donc il arrivait à cultiver de cette façon la bactérie du charbon, et cette goutte-là, elle allait donner la maladie à d'autres animaux. Donc, il était vraiment arrivé pour la première fois à utiliser des microbes qui avaient été cultivés en dehors de l'animal pour donner la maladie. Mais il a fait une autre observation qui était très importante. Et il a constaté, la bactérie, elle avait tendance à s'allonger, à donner des espèces de filaments, et au bout d'un certain temps, on voyait sous le microscope apparaître des petites boules très réfringentes à l'intérieur de ce filament. Ça faisait que les filaments commençaient à ressembler à un collier de perles, avec des toutes petites boules dedans. Alors, il s'est dit, ces boules, ça doit être des spores. C'est donc des formes extrêmement condensées, si vous voulez, la bactérie déshydratée, et qui sont capables de se conserver extrêmement longtemps. Il a pu effectivement constater que ces spores se conservaient très longtemps, et que si on inoculait ces spores qu'il avait conservés à des souris, ils donnaient la maladie. Il a sans doute aussi tout de suite pensé à ce phénomène des champs maudits, où la maladie pouvait se maintenir pendant des années. Alors, ça, c'était quand même une découverte extrêmement importante de voir que la bactérie, d'abord, était capable de se développer dans un milieu, qu'une fois cultivée dans un milieu, elle donnait la maladie, mais en plus, elle était capable de donner naissance à ces spores, qui étaient très stables, qui est donc susceptible de se maintenir dans les champs dits maudits et qui pouvait donner à nouveau la maladie. Alors les spores, là il y a un problème qui va être à la base de sa controverse avec Pasteur. Pasteur a appris donc soit fin 1876, début 1877, ce travail qui avait été fait par Koch. On lui a traduit en fait, on a encore d'ailleurs la traduction de cet article avec des annotations de Pasteur dans la marge. Le Pasteur à cette époque-là s'intéresse déjà au charbon ? Pasteur n'avait pas commencé à s'intéresser au charbon, il était toujours en train de travailler sur la bière. Mais quand il voit cet article, il est furieux. Il est furieux pour plusieurs raisons. La première, c'est que la théorie microbienne des maladies, la théorie des germes, il l'avait déjà exprimée. D'abord, quand il a fait ses travaux sur les fermentations, il a dit, s'il y a des microbes qui sont capables de faire les fermentations, pourquoi ce ne serait pas eux qui seraient aussi capables de faire les maladies infectieuses? Dans ses travaux sur le ver à soie, il avait commencé aussi à développer cette idée-là. Donc, il considérait que la théorie des germes, c'était à lui. Et l'idée que ce soit un petit médecin de campagne qui aille démontrer ça, il appréciait pas tellement. Deuxième circonstance aggravante, ce médecin de campagne, il est allemand. Andrew Mendelssohn, vous êtes enseignant-chercheur au Max Planck Institut à Berlin en histoire des sciences ainsi qu'au Collège Queen Mary de l'Université de Londres. Nous parlons de Robert Koch et de Louis Pasteur, les deux pères de la microbiologie, de la bactériologie. L'époque dont nous parlons, c'est 1870-1880. Qu'est-ce que Koch cherche dans ce qu'il observe de la maladie du charbon du mouton et qu'est-ce que fait Pasteur ensuite? Pour raconter un peu l'histoire, tout le monde travaille sur le charbon pour des raisons très pratiques, que c'était un organisme énorme par rapport à des autres bactéries. Comme vous voyez sous le microscope, c'est quelque chose qu'on voit facilement. Première chose. Deuxième chose, c'était une maladie très importante au niveau économique en Europe. Troisième chose, donc, une maladie des animaux. Donc, le fait que ces deux chercheurs se trouvent sur le champ du charbon, il n'y a pas beaucoup de grands mystères. Et donc, par des heures et des heures et des heures, et des petites inventions de microscopie, il arrive à décrire tout un cycle de vie. Koch et Pasteur avaient choisi des voies différentes. Koch avait choisi une voie qui était d'améliorer les techniques de la bactériologie. Pasteur, lui, il s'est dit, si c'est des microbes qui causent les maladies, il faut trouver les moyens de protéger l'homme et les animaux contre les microbes. Il y avait des chirurgiens qui ont publié les observations qui ont dit que la maladie du charbon, la cause n'est pas les microbes, c'est des autres substances chimiques dans le sang des animaux. Pasteur et ses collaborateurs, ils ont développé des méthodes de séparation, filtration ou de dilution en série. Et c'est ça qu'il a publié pour montrer que le charbon était associé à un microbe. Donc, c'était le travail d'un chimiste, tandis que Koch arrive de travailler sur le charbon avec le but d'observer sous le microscope ces bactéries pour voir s'ils sont vraiment vivants. Cor et Pasteur avaient choisi des voies différentes. Cor avait choisi une voie qui était d'améliorer les techniques de la bactériologie. Pasteur, lui, il s'est dit, si c'est des microbes qui causent des maladies, il faut trouver les moyens de protéger l'homme et les animaux contre les microbes. Donc vous avez quelque chose qui est lié à une maladie spécifique, signifiant économiquement, etc. Et maintenant, pour la première fois, on peut voir comment ces microbes, qui est quand même un mot un peu abstrait, que c'est concrétisé dans un être qui montre des caractéristiques de la vie dans un sens biologique. Donc c'est quelque chose qui se multiplie, qui se divise, qui produit des autres formes, etc. À partir de là, il a cherché à identifier cet agent infectieux grâce à des milieux de culture bien définis et en multipliant la bactérie en culture pure. Dans ce but, il a développé quantité de procédés, de méthodes très modernes pour l'époque, visant à rendre sa recherche plus facile et plus efficace. C'était un technicien très inventif, Cor. Oui, c'est juste. Par exemple, il a développé la microphotographie. Et à cette époque-là, peu de gens pratiquaient la photographie. Alors de là, l'appliquer à la microphotographie, c'est encore plus compliqué. Oui, de fait, c'était compliqué. Et avant que ces améliorations n'apparaissent, le chercheur devait dessiner ce qu'il voyait au microscope, à la main. Et un tel dessin donnait forcément lieu à interprétation, alors qu'une photo faite au microscope était toujours quelque chose d'authentique. Robert Koch a pu alors présenter ses travaux à un professeur de l'université de Breslau, c'était le professeur Kohn. Qui, en tant que biologiste, avait déjà montré qu'il existait différentes sortes de microbes. Comme on peut dire aujourd'hui, Kohn était, ainsi que Pasteur et Koch, un des pionniers de la microbiologie. Il a été enthousiasmé par les découvertes de Robert Koch. Il a fait connaître ses travaux en Angleterre et le rapport de Koch sur l'éthiologie du charbon est paru dans une revue scientifique grâce à lui. Le charbon disparaît dans le cadavre d'un animal charbonneux au moment où il se putréfie. Cette assertion était bien connue des équarisseurs avant même que le docteur Daven en donnât une confirmation de fait. Dans un travail antérieur, M. Joubert et moi avons donné la véritable explication du phénomène. Dès que la bactérie dit, sous son état filiforme, est privée du contact de l'air, qu'elle est plongée, par exemple, dans le vide, ou dans le gaz acide carbonique, elle tend à se résorber en granulations très ténues, mortes et inoffensives. La putréfaction la place précisément dans ces conditions de désagrégation de ses tissus. Ses spores n'éprouvent pas cet effet et se conservent, ainsi que le docteur Koch l'a montré le premier. Il a eu beaucoup de mal pour atténuer la bactérie du charbon, justement parce qu'elle fait des spores. Donc dans des conditions où la bactérie, on veut essayer de la faire vieillir pour l'atténuer, ben au lieu de vieillir, elle fait des spores et elle bouge plus une fois qu'elle est adormante. Donc il a eu beaucoup de mal, mais il a trouvé une température où la bactérie progressivement s'atténue et ne fait pas de spores. Et avec cette bactérie atténuée, il arrivait à protéger des animaux, des moutons, contre la bactérie virulente. Bon, les gens étaient toujours sceptiques, les vétérinaires en particulier. Et il y a des vétérinaires qui disent, on va faire une grande expérience, on va voir si vous avez raison. Et c'est une expérience qui a été faite à Pouilly-le-Fort en juin 1881. C'est en Seine-et-Marne, à côté de Melun. Et c'est une sorte de défi que les vétérinaires lancent à Pasteur ? C'est un défi que les vétérinaires lancent à Pasteur. Et ils mettent donc à la disposition de Pasteur 50 moutons. Il y a aussi quelques vaches et quelques chèvres, mais enfin, occupons-nous des 50 moutons. Et à 25 moutons, on va inoculer le microbe atténué. Et à 25 moutons, on va pas leur inoculer le microbe atténué. En fait, il faudra deux inoculations successives, mais au bout de quelques semaines, pas longtemps, on inocule à tout le monde le bacille du charbon virulent. Et qu'est-ce qu'on voit ? Les 25 moutons qui avaient reçu la bactérie atténuée, donc qui avaient été vaccinés, survivent, et les 25 qui n'ont pas reçu meurent. C'est parfait, mais croyez-en quand même, un biologiste, c'est pas tous les jours qu'on a une expérience de biologie qui réussit aussi bien. Donc, Pasteur arrive par cette expérience qui est faite devant un très large public, parce qu'il y a la presse, il y a la vétérinaire, il y a plein de monde. C'est presque mis en scène. Ah, c'est mis en scène, tout à fait. Mais c'était mis en scène aussi par les gens qui pensaient qu'il allait se casser la figure. Hein. Il a eu une chance extraordinaire parce que entre nous, il savait pas du tout ce que c'était que l'atténuation. Et il s'est mis en danger. Il s'est mis en danger. D'ailleurs, ses collaborateurs Roux et Chamberlain étaient assez terrifiés. Mais bon, ça a marché. À ce moment, arrive un télégramme de Pouilly-le-Fort, signé Rossignol, le vétérinaire dont je vous parlais. Les 25 moutons vaccinés ont tous résisté, sont tous bien portants, les 25 moutons non vaccinés sont tous morts ou mourants, succès épatant. Alors, Pasteur, tend le télégramme à Madame Pasteur, à mon père et à Monsieur Roux, et leur dit, « Eh bien, je vous l'avais bien dit !» Et à ce moment, il y avait toute une foule qui acclamait Pasteur, et les mêmes qui, l'avant-veille, avaient bu au fiasco de Pasteur, étaient les plus enthousiastes. Pasteur se lève et dit aux hommes qui étaient là et qui l'acclamaient, « Eh bien, hommes de peu de foi !» Voilà l'expérience de Pouilly-le-Fort. Alors, il convainc les Français, mais il faut convaincre le reste du monde. Et il se trouve qu'il y a un congrès de médecine qui va se tenir à Londres en août 1881. Donc, il se rend à ce congrès pour raconter donc ses expériences d'atténuation du charbon. Est-ce qu'il sait que Koch s'y trouvera aussi ? Est-ce qu'il le sait à l'avance ? Je ne sais pas, mais c'est un très très grand congrès, il y a énormément de monde. Il y a au moins 50 Allemands qui sont là. Il doit se douter quand même que Koch doit y être. Donc il est accueilli, et là, il est accueilli très très bien, il est devenu célèbre. Bon, quand il arrive, tout le monde applaudit, il prétend croire que c'est pour le prince de Galles que les gens applaudissent, mais en fait, c'est pour lui, c'est pour lui qu'on applaudit. Et alors là, il fait un grand discours, et il parle évidemment de la vaccination contre le charbon, mais avant de parler de la vaccination contre le charbon, il parle de la démonstration que le bacille... du charbon est vraiment celui qui donne le charbon. Il appelait ça la bactéridie et Koch appelait ça le bacillus anthracis, qui est en fait, ça veut dire le bacille qui donne l'anthrax, puisqu'en anglais, le charbon, c'est anthrax. Donc, dans sa présentation, en gros, il dit, c'est Avène puis moi qui avons vraiment démontré que c'est cette bactérie qui est responsable de la maladie. Et certes, Koch, il a fait une belle démonstration que cette bactérie fait des spores qui peut permettre d'expliquer que la maladie reste dans les champs maudits, mais quand même, les spores, c'est pas Koch qui a découvert que les bactéries donnaient des spores, c'est moi. Alors, il y en a un dans l'assistance qui est pas trop content, bien entendu, vous pouvez vous imaginer, c'est Robert Koch. Mais enfin, il ne dit rien. Robert Koch war darüber natürlich nicht glücklich. Robert Koch n'en a évidemment pas été ravi, il se sentait même tenu à l'écart. Quand même vexé. Er war verärgert, ja. Oui, il était fâché, oui. Es kam zu einer persönlichen Mais il y a eu une rencontre véritable entre Louis Pasteur et Robert Koch. Die Engländer hatten Robert Koch. Les Anglais avaient donné à Robert Koch la possibilité d'installer un laboratoire. À Londres. Un labo qui n'a été mis en place que pour la durée du congrès. Et Koch pouvait y montrer ses techniques et ses résultats. Pasteur a accepté l'invitation et il s'est montré enthousiaste. Il a tendu la main à Robert Koch en disant « Monsieur, c'est un grand progrès ». Il n'en dit pas plus. On a l'impression qu'il se force un peu. Il n'a rien dit d'autre. On peut dire qu'il s'est contenté de prendre connaissance de l'aspect technique et pas des résultats. Le conflit avec Pasteur à propos des méthodes de son école de la bactériologie est utile à Koch. Il a intérêt à le faire connaître. C'est un procédé courant chez les jeunes scientifiques d'avoir des controverses avec des chercheurs plus âgés et de le faire savoir. Christoph Gradmann. Man muss hinzufügen, dass der Il faut ajouter qu'à ce moment-là, la guerre franco-prussienne n'est finie que depuis une dizaine d'années. Et les deux parties en ont bien conscience politiquement. Il y a aussi une différence importante dans leur façon respective d'aborder les choses. Koch se place du côté du rapport entre la maladie et la bactérie, alors que Pasteur se concentre sur l'expérimentation microbiologique. Il travaille, par exemple, sur la virulence dans le but d'élaborer des vaccins. À l'issue de ce congrès, en fait, le roi de Prusse, ou je crois que c'est le roi de Prusse ou le prince héritier de Prusse, a félicité Pasteur de sa présentation. Pasteur félicite Koch de son travail. On peut penser que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais ce n'est pas tout à fait le cas, parce que Koch va écrire un article incendiaire en disant que on n'a rien appris d'intéressant sur le charbon, qu'en fait, Pasteur ne sait pas travailler avec des cultures pures. Donc voilà le ton des articles de Koch et de ses collaborateurs. Bon, alors on est donc en 81, et puis arrive 82. Alors en 82, il se passe deux choses, mais l'une, c'est que c'est l'année où Koch va découvrir le bacille de Koch, le bacille de la tuberculose. La deuxième, c'est la deuxième étape de la lutte entre Pasteur et Koch, c'est en septembre 82, donc en gros un an après le colloque de Londres, où entre les deux, il y a eu ces fameux écrits de Koch. Pasteur n'avait pas réagi, mais comme on lui donne la parole à ce colloque de Genève, il se dit « je vais en profiter pour répondre à Koch ». Il dit que c'est tous des incapables. Il reprend complètement toutes les critiques de Koch, démontrant qu'elles sont nulles et non avenues. Alors Koch se démène pas mal sur son siège, manifestement il n'est pas content du tout. Mais en plus, il y a une faute de traduction. Pasteur, à un moment, part du recueil allemand, donc c'était un recueil d'articles scientifiques, et il y a quelqu'un qui traduit à Koch à côté, et qui, à la place de recueil, il comprend « orgueil allemand ». Alors là, c'est ça qui a mis Koch en fureur, parce qu'il a cru donc que Pasteur parlait de l'orgueil allemand, et ça lui a pas plu. Bon. Alors Koch est sommé de répondre, mais Koch, il dit « je peux pas répondre, parce que, en fait, moi je parle pas le français, Pasteur parle pas l'allemand, je vois pas comment on pourrait avoir une discussion, mais je répondrai par écrit ». Koch a répondu très en colère à cette communication. Dans une publication majeure de l'Office impérial de la Santé, il a écrit « Les nouvelles recherches de Pasteur n'ont rien apporté de nouveau ». Und in gleicher Weise haben dann die beiden Schüler von Robert Koch, die beiden Ärzte, et de la même façon, les deux élèves de Robert Koch, les deux médecins Gafki et Loeffler, ont décrit les travaux de Pasteur comme étant sans valeur. Pour Koch, Pasteur, c'était quelqu'un qui ne travaillait pas précis, qui n'a pas vraiment décrit ses méthodes et tout ça. Mais ce n'est pas correct parce que dans la Bibliothèque nationale aujourd'hui, nous avons une série de cahiers de laboratoire de Pasteur. Il existe plus que 100 cahiers très, très détaillés. Dans la période où Pasteur avait des collaborateurs, si vous n'étiez pas d'accord, il fallait dire « Ah, mais c'est dans le cahier ». Donc même Pasteur était obligé de consulter le cahier pour discuter des choses avec ses collaborateurs dans le labo. Donc, pour ainsi dire, le cahier de laboratoire, c'est quand même, c'était un endroit où Pasteur a écrit ses méthodes, ses résultats et tout ça. Mais Koch, il était obligé de transférer tout ce qu'il avait pensé et écrit dans ses publications. Mais comment le conflit va-t-il prendre la dimension qu'il va prendre, c'est-à-dire atteindre une certaine violence? Enfin, au début, c'est relativement courtois. Ça devient vite assez agressif, Christoph Gradmann. Je crois qu'on peut affirmer qu'un tel débat scientifique ne pouvait qu'être politisé. En tout cas, la presse quotidienne allemande s'en est emparée et l'a présenté comme un antagonisme germano-français. En l'espèce, je pense que tous les deux ont eu des approches très différentes du charbon et on ne peut pas dire qui avait tort ou qui avait raison. « C'est grâce au français Pasteur que fut comprise la signification réelle de la bactérie dite du charbon, et c'est grâce à l'allemand Koch que fut prouvé son rôle d'unique principe infectieux de cette maladie. Il serait bien désirable d'exclure définitivement toute considération patriotique des questions scientifiques. Elie Metchnikoff. Je ne pense pas que Pasteur était quelqu'un qui était vraiment motivé par le nationalisme. Ça n'explique trop peu de toute une vie de travail incroyable. C'est plutôt qu'il a utilisé la situation de la France après la guerre de 70 pour avancer ses propres projets. Il était aussi convaincu qu'il fallait connaître les travaux des scientifiques allemands. Donc, ce n'est pas par hasard que lui et son collaborateur le plus important, Émile Roux, qu'ils ont choisi un jeune Suisse, Alexandre Yersin, dans les années, fin des années 80, pour être grand collaborateur dans les laboratoires, parce que c'était quelqu'un qui parlait allemand. Et vous avez dans les manuscrits à l'Institut Pasteur toutes les traductions que Yersin a fait des travaux allemands sur le domaine microbiologie, pour savoir ce qui se passe en Allemagne. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui était vraiment motivé par une lutte contre l'Allemagne. Il a plutôt utilisé la situation pour concevoir des arguments pour la science. Mais à l'époque, ce n'est pas tous les jours que les scientifiques ont demandé l'argent du gouvernement pour des grands projets scientifiques qu'ils ont consulté eux-mêmes. C'est plutôt que les gouvernements ont dit aux scientifiques que nous avons une tâche pour vous. Mais Pasteur, il a un peu renversé la chose en disant « Moi, j'ai un projet et vous, vous allez me soutenir avec mon projet. » Si on en revient à Koch, ah là là, ça y est, c'est encore Pasteur qui prend le dessus. Donc, Koch ronge son frein dans son coin. Il se dit « Puisque c'est comme ça, moi, je vais faire mieux que Pasteur, je vais trouver le remède contre la tuberculose, qui était l'une des maladies qui faisait le plus de morts dans l'espèce humaine à l'époque. » Il a eu beaucoup de difficultés, parce que c'est une bactérie très petite. Il est arrivé à la voir grâce à ses techniques de coloration particulières. Une bactérie qui pousse extrêmement lentement, donc pour avoir des colonies, il faut attendre beaucoup de temps. Mais il y est arrivé, et il a pu montrer qu'une culture de ces bactéries-là donnait effectivement la tuberculose à des animaux, et qu'ensuite on pouvait retrouver la même bactérie chez les animaux tuberculeux. C'était déjà l'application avant la lettre de ce qu'on a appelé après les postulats de Koch, qui permettent de démontrer qu'un microbe donné est responsable d'une maladie. Donc il va faire une communication en avril 82, où il va dire qu'il a isolé la bactérie responsable de la tuberculose, qu'on appellera ensuite très longtemps le bacille de Koch ou le bacille de Koch, dont le vrai nom est Mycobacterium tuberculosis. Mais pour le coup, on n'est pas sur le terrain de Pasteur. On est sur le terrain de Pasteur en ce sens qu'il a découvert une bactérie responsable d'une maladie très grave et que c'est la première fois qu'on a une bactérie responsable d'une maladie humaine qui en plus fait énormément de victimes. Donc c'était quand même très important. Pasteur n'a pas envoyé de mots de félicitations. Pourtant, il avait certainement conscience que c'était important. La lutte contre la tuberculose, entreprise par Koch, lui demandait un effort intellectuel intense. Aussi, pour se délasser de son travail quotidien, fréquentait-il assidûment le Lessing Theater, voisin de son laboratoire. Une jeune et intelligente actrice de talent qui jouait des rôles secondaires le charma. Un roman s'ensuivit, Koch divorça avec sa première épouse et épousa cette jeune femme. Cet événement déchaîna naturellement une tempête. En 1892, au congrès des médecins allemands auquel j'assistais, le mariage de Koch faisait les frais de toutes les conversations de ses confrères. Koch, qui n'avait pas réussi à se faire pardonner sa supériorité scientifique, fut en butte aux plus graves accusations. Et son roman intéressait les professeurs certainement bien plus que toutes les communications du Congrès. Elie Metchnikoff, 1933. Il y a un deuxième terrain, Christophe Grandmann, sur lequel Robert Koch et Louis Pasteur se rencontrent. Enfin, ils ne se rencontrent pas vraiment, mais ils le traitent l'un et l'autre. C'est lorsque le choléra arrive en Égypte en 1883. Koch part personnellement avec quelques-uns de ses collaborateurs. Pasteur, qui est un peu diminué physiquement, envoie ses collaborateurs, mais reste à Paris. Il s'agit là de deux expéditions parallèles qui se montent là dans un contexte de forte concurrence. Il y a en 1883 une épidémie de choléra au Proche-Orient, et aussi bien l'Allemagne que la France, ainsi que la Grande-Bretagne, envoient des expéditions qui vont se mesurer ouvertement. La presse est remplie de reportages sur ces expéditions. Koch y voit une bonne occasion de montrer l'efficacité de ces méthodes. Alors c'est Pasteur le premier qui a l'idée d'envoyer une équipe sur place en Égypte pour essayer d'isoler le microbe du choléra. Et Pasteur n'y va pas lui-même, Maxime Schwartz, parce qu'il a déjà 60 ans et qu'il souffre de son hémiplégie aussi. Oui, oui. Donc c'est Roux, son bras droit, qui est envoyé là-bas avec deux ou trois autres collaborateurs, dont un dénommé Thuillier, qui était un jeune chercheur. Donc ils arrivent là-bas, mais pendant ce temps, les Allemands ont décidé de faire pareil et ont envoyé Koch avec une équipe aussi. Alors ils sont pas dans le même hôpital, mais ils sont tous les deux chargés de trouver la bactérie responsable du choléra. L'équipe de Pasteur piétine un peu, n'arrive rien à trouver, cherche dans le sang, ils trouvent rien. Bon, l'épidémie s'arrête. D'elle-même. D'elle-même. Ben, ça arrive à toutes les épidémies. L'équipe de Pasteur a décidé qu'ils vont rentrer, ils font quand même des travaux sur un autre sujet pendant ce temps. Et puis, catastrophe, voici que Louis Thuillier, donc ce jeune chercheur, attrape le choléra alors que l'épidémie est terminée et il en meurt. Donc, il meurt là-bas, et c'était vraiment un jeune très très prometteur, c'était une catastrophe. À cette occasion-là, l'équipe de Koch est tout à fait fair play, vient à l'enterrement de Thuillier, disant il est mort pour la science, etc. Et d'ailleurs, à Pasteur, il y a une grande plaque qui rappelle le souvenir de Thuillier, où il y a écrit « mort pour la science », qui est exactement ce que Koch avait dit à l'époque. C'est une histoire tragique. Chez nous, on raconte l'histoire selon laquelle le jeune Français aurait demandé s'il avait découvert l'agent infectieux du choléra. Et Robert Koch aurait dit au mourant, « Oui, monsieur, vous l'avez découvert. » C'était censé être une consolation pour le mourant. On raconte aussi chez nous que Robert Koch aurait porté le cercueil du malheureux Français, ce qui peut montrer que malgré ses rivalités nationales, il pouvait tout de même aussi y avoir une collaboration humaine et scientifique entre les délégations. Donc les Français rentrent en piteux état. Pour ce qui est de Koch, il ne peut pas continuer grand-chose sur le choléra parce qu'il n'y a plus de choléra, mais il a déjà identifié une bactérie en forme de virgule, il s'appelle ça le bacille virgule, dont il se dit que ça pourrait bien être la cause du choléra, mais comme il n'y a plus de cas, il ne peut plus faire d'expérience. Alors il se fait envoyer en Inde, où là la maladie est endémique, il y a tout le temps du choléra, et au bout de quelques semaines, il est convaincu que ce bacille virgule est effectivement la cause du choléra. Alors il a beaucoup d'arguments, notamment épidémiologiques, et puis il constate que les gens qui ont le choléra en fait ont bu une eau qui contenait même ce microbe, etc. Mais il n'a pas l'argument qu'il avait pu avoir pour le tuberculose, c'est-à-dire d'être capable de transmettre le choléra à un animal avec cette culture bactérienne. Il ne pouvait pas, et en fait, on sait maintenant qu'on ne peut pas de façon simple donner le choléra à un animal, donc il y manquait un peu cette preuve, ce qui fait que Pasteur va rester sceptique pendant des années sur le fait que ce soit vraiment la bactérie du choléra. Mais en Allemagne, il était évident que Koch avait isolé la bactérie du choléra, il avait avant isolé la bactérie de la tuberculose, c'est lui qui avait démontré le rôle de la bactérie du charbon, il est devenu vraiment quelqu'un d'absolument célèbre, il a reçu des tas d'argent de l'empereur d'Allemagne, c'était le grand chercheur en Allemagne. Donc c'était sa victoire. Quelle place a Robert Koch, qu'est-ce qu'il représente en Allemagne en général et à Clausthal en particulier? Vous avez été maire de la ville natale de Koch, Clausthal, où nous sommes, Wolfgang Münkemeyer. Alors, s'il faut comparer le rôle de Pasteur en France et celui de Robert Koch en Allemagne, Pasteur est incontestablement, encore aujourd'hui, un grand héros national. On ne peut pas dire ça de Robert Koch. Bien sûr, les médecins connaissent ses travaux, et il y a une rue Robert Koch dans presque chaque ville allemande, et la plupart des Allemands savent plus ou moins qui est Robert Koch. Mais il n'est pas un héros national. Il n'a pas réussi à développer un vaccin, alors que Pasteur a réussi, aussi bien en ce qui concerne le charbon et plus tard la rage. La tuberculose était bien sûr bien plus dangereuse que la rage. Et Robert Koch a essayé de développer un vaccin contre cette maladie, mais il n'y est pas arrivé. Et il s'est même produit que des patients qui ont reçu son vaccin ont vu leur état se dégrader et même qu'ils en meurent. Ça a été bien sûr un revers terrible, alors que Pasteur a eu naturellement un grand succès avec son vaccin. Encore une remarque peut-être. Koch avait deux élèves principaux. Premièrement, Emil Behring et deuxièmement, Paul Ehrlich. Les deux ont reçu le prix Nobel et Behring l'a même eu avant Koch. Behring et Ehrlich ont fait faire de grands progrès à la science médicale. Koch a jeté les bases, mais les deux autres ont approfondi cette science et l'ont portée à un niveau encore supérieur. Aujourd'hui, Maxime Schwartz, que la France et l'Allemagne s'adorent à nouveau, on peut dire que les mérites de Koch et Pasteur sont équivalents? Oui, ça il est clair que tout le monde est d'accord, mais il reste quand même quelque chose. Dans les pays étrangers, on a vraiment cette idée-là que Koch, Pasteur, c'est la même chose, et de fait, la contribution des deux est comparable, hein. Alors que c'est très curieux, mais les Français ne connaissent pas Koch. Et inversement, en Allemagne, on ne connaît pas tellement Pasteur, peut-être un peu plus. Il faut dire que Koch a pas eu de chance. Parce que après sa mort, ça a été donc la Deuxième Guerre mondiale, il y a la première puis la deuxième, et les nazis ont utilisé l'image de Koch comme l'image de la qualité de la science allemande. Il y a même eu un film qui a été fait sur Robert Koch par les nazis. Donc ça a un peu associé l'image de Koch aux nazis. Le pauvre, il n'y pouvait rien, il était mort depuis longtemps, mais ça a un petit peu empêché que Koch ait une image aussi prestigieuse, disons, dans son pays que Pasteur en France. Mais sans ça, c'est parfaitement vrai que Pasteur et Koch ont tous les deux une contribution majeure et qu'on peut les mettre sur la même marche du podium. Robert Koch, qui a tenu tête dans ses voyages lointains et aventureux aux agents infectieux les plus redoutables, est mort d'une bête crise cardiaque à Baden-Baden le 27 mai 1910. Sur le petit monument qui a recueilli ses cendres à Berlin, l'épitaphe finit par ce vers « Ihn fürchtete der Tod », la mort le craignait. On peut constater un ultime rapprochement posthume entre Koch et Pasteur, et des plus inattendus. Koch, par l'entremise de son cher disciple Shibasaburo Kitasato, qui s'opposa à Alexandre Yersin sur le terrain de la peste, est devenu un demi-dieu au Japon. Dans les jardins de l'Institut Kitasato à Tokyo, s'élève un temple consacré à Robert Koch. Quant à Pasteur, il a intégré l'étonnant panthéon du Kaodaïsme, une église pour le moins syncrétiste qui a des millions d'adeptes au Vietnam, lesquels vénèrent Pasteur au même titre que Mahomet, Jésus, Shakespeare, Lénine ou Victor Hugo. C'est sans doute l'aspect de sa postérité qui aurait le plus surpris notre bon chimiste jurassien. Règlement de compte dans la bande à Basile. Robert Koch contre Louis Pasteur. Avec Maxime Schwartz, ancien directeur général de l'Institut Pasteur, Annick Perrault, conservatrice honoraire du musée Pasteur de Paris, Wolfgang Münkemeyer, ancien maire de Clausthal, ville natale de Robert Koch, Christophe Gratmann, biographe de Robert Koch, Andrew Mendelssohn, du Max Planck Institut pour l'histoire des sciences à Berlin, traduction Claude Moiteau et Claudine Teillard, voix française Rafik Zénine et Thierry Beauchamp, texte lu par Daniel Königsberg et Mathilde Wagman. Bibliographie sur franceculture.fr. Merci à Aurélie Pertuison du service de presse de l'Institut Pasteur et à Laurent Valery-Radeau. Coordination Perrine Kervran, attachée de production Marie-Vonne Abolivier, Archivina Hervé Evano et Viviane Lefebvre,